Second tableau. Dans la maison d'Inès, à Mondego, aux environs de Montemor au vélo, une pièce donnant sur un jardin. Jugez-moi sévèrement. Je n'ai osé lui avouer ni que nous étions mariés, ni que ce mariage allait faire en vous son fruit. Sa colère m'a paralysé. Puisque nous ne pouvons être déliés, quand même nous le voudrions, le pape étant à cette heure si roidi contre votre père, puisqu'il est donc vain que le roi s'entête de votre mariage avec l'infante, retournez le voir, Pedro, et dites-lui tout. Mieux vaut qu'il se voit arrêté par un fait contre lequel il ne peut rien que s'il se croit arrêté par votre obstination. Mieux vaut sa colère aujourd'hui que demain. Elle sera terrible. Elle nous enveloppera comme une flamme. Je crois qu'elle me sera plus facile à supporter que notre présente incertitude. Si étrange qu'il puisse paraître, il me semble que lorsqu'elle éclatera, il y aura quelque chose en moi qui criera « Terre !» Il nous séparera. N'est-ce pas comme si nous l'étions déjà ? Et je veux croire, oui, je veux croire qu'il ne nous séparera pas trop longtemps. Car lorsqu'il se verra devant la chose faite et irrémédiable, alors il n'y aura plus qu'une issue. Le persuader de reconnaître notre union. Et pourquoi n'y réussiriez-vous pas ? Si le roi tient tant à ce que vous épousiez l'infante, c'est parce qu'il voit en elle une femme de gouvernement, alors que vous êtes si peu l'homme de cela. Apprenez à gouverner, mon ami, acceptez-en le péril et l'ennui, le faisant désormais pour l'amour de moi. Et peut-être le roi acceptera-t-il à son tour que la future reine ne soit qu'une simple femme dont la raison suffisante de vivre est de vous rendre heureux. Mais pour Dieu, quand vous ferez son siège, sachez bien le convaincre qu'être reine m'est un calice et que je n'ai voulu le boire que pour le boire bouche à bouche avec vous. Je crois que je mourrais d'amertume s'il s'avisait de me croire ambitieuse. Alors que tout mon rêve aurait été de passer ma vie retirée dans le petit coin de la tendresse, perdue et oubliée au plus profond de ce jardin. Vous avez raison, je lui parlerai de la sorte. Nous sommes dans la main de la destinée comme un oiseau dans la main d'un homme. Tantôt elle nous oublie, elle regarde ailleurs, nous respirons. Et soudain, elle se souvient de nous et elle serre un peu, elle nous étouffe. Et de nouveau, elle relâche l'étreinte, si elle ne nous a pas étouffé tout de bon. L'étreinte se relâchera, Inès. Et je veux croire, moi aussi, que nous vivrons bien des heures encore retirés dans ce jardin. Et que nous y deviserons, comme nous avons fait si souvent, assis au bord de la vasque. Avec le jet d'eau qui envoyait parfois sur nous des gouttelettes et parfois n'en envoyait pas, selon le vent. Et je humais la poussière d'eau. Et je songeais que vous faisiez de moi ce que fait tout être de qui le désire et qui l'aime. Vous en faisiez cette vasque qui continuellement déborde, sans cesse remplie et qui continuellement déborde. Et un chant doux comme la tristesse venait par instant de la route. Le chant des casseurs de pierre qui venait et cessait lui aussi comme la poussière d'eau selon le caprice du vent. Cette douceur mêlée de tristesse, c'est bien le goût de notre amour. Vous ne m'avez donné que des joies, et pourtant, toujours, quand je pensais à vous, si j'avais voulu, j'aurais pu me mettre à pleurer. Depuis 2 ans sur nous, cette menace, cette sensation d'une pluie noire, sans cesse prête à tomber et qui ne tombe pas, la destinée qu'on sent, qui s'accumule en silence. Combien de fois dans notre maison, m'y trouvant avec vous, je me suis représenté le temps où ces heures seraient dû passer. Je les regrettais dans le moment même que je les vivais, et elles m'étaient doublement chères d'être, et que j'en puisse jouir, et déjà que je n'en puisse jouir plus. Voyez-vous, je suis comme le vieux capitaine Orozco, qui s'était battu pendant 7 ans, ici et en Afrique, avec une bravoure de lion, et qui, lorsqu'il fut mis à la retraite, me dit « Je suis bien content ». J'en avais assez de risquer ma vie tous les jours. Avec autant de simplicité, je vous dirais, j'en ai assez d'avoir tous les jours peur. De retrouver chaque matin cette peur au réveil comme un objet laissé la veille au soir sur la table. La peur. Toujours la peur qui vous fait froid aux mains. C'est vrai. Vos mains douces et froides. Mais songez que le monde entier vit sous l'empire de la peur. Mon père a passé sa vie à avoir peur. Peur de perdre sa couronne, peur d'être trahi, peur d'être tué. Il connaît ses forfaits mieux que nous ne les connaissons et sait que chacun d'eux crée la menace d'une représaille. J'ai vu bien des fois son visage au moment où il venait de marquer un point contre un adversaire. Ce qu'il y avait alors sur ce visage, ce n'était jamais une expression de triomphe. C'était une expression de peur, la peur de la riposte. Les bêtes féroces, elles aussi, sont dominées par la peur. Et regardez les poussières dans ce rayon de soleil. Que j'avance seulement un peu ma main ici, au bas du rayon, et là-haut, à l'autre bout, elles deviennent folles, folles de peur. Souvent, au coucher du soleil, je suis envahie par une angoisse. Tenez, quand je vois les marchands qui ferment leurs volets, un coup de lance me traverse. En ce moment même, on décide quelque chose d'effroyable contre moi. Ou bien... Oh, comme c'est bête. C'est le soir, quand je me déshabille, à l'instant où je dénoue mes cheveux. Savez-vous que chaque fois que vous bougez la tête, vous m'envoyez l'odeur de vos cheveux? Et que cette odeur n'est jamais tout à fait la même, tantôt imprégnée d'air et de soleil et sentant la flamme, tantôt froide et sentant l'herbe coupée. Oh, tête chère, si bien faite pour mes mains, Inès, femme chérie, mon amour au nom de femme, Inès au clair visage, plus clair que les mots qu'il berce. Vous êtes le lien qui m'unit à tous les êtres. Oui, tous les êtres attachés à vous. Et à vous seuls, comme les fruits sont attachés à l'arbre. Et aujourd'hui, je ne fais pas que vous aimer, je vous admire. Je vous trouve plus courageuse que moi. À force d'être anxieuse sans que rien n'arrive, le jour où la foudre tombe, on se trouve presque calme. Et puis, aujourd'hui, il me semble que je suis soutenue par notre enfant. Il mène à l'intérieur de moi une lutte féroce. Et moi, j'aurais honte si je n'étais pas aussi forte que lui pour le sauver en nous sauvant. Quand vous êtes venue pour la première fois il y a 2 ans, j'étais sans résistance devant vous. Pour un seul mot cruel de vous, je serais tombée. Oh oui, tombée sur le sol. Je ne pouvais me défendre, moi. Mais pour le défendre, lui, je me sens tous les courages. Jusqu'à me dire que le mettre au monde dans la facilité serait un amoindrissement. Jusqu'à me dire que le fait qu'il se forme parmi l'épreuve est quelque chose d'heureux. Vous, je vous ai trouvé tout créé, et c'est vous qui ensuite m'avez créé. Lui, cette fabrication de chaque instant, matériel et immatériel, qui vous fait vivre dans la sensation d'un miracle permanent, cela fait de lui mon bien, Pedro Awick. Comme je crois que vous-même, vous ne sauriez. Oh. Mais je suis folle, n'est-ce pas? Au contraire, ce que je lui donne, non seulement je ne vous le prends pas, mais en le lui donnant, je vous le donne. Je te tiens. Je te serre sur moi. Et c'est lui. Son cou n'a pas tout à fait la même odeur que le tien. Il sent l'enfant. Et son haleine est celle de la biche, nourrie de violettes. Et ses petites mains sont plus chaudes que les tiennes. Et ses bras sont autour de mon cou comme est l'eau l'été quand on y plonge. Et qu'elle se referme sur vos épaules toutes pleines de soleil. Et il fait autour de mon cou un doux chantonnement qui recoule. Enfant adoré, grâce à qui je vais pouvoir aimer encore davantage. Tu penses à lui. Et au milieu de toutes nos misères, te voilà comme entourée d'une buée de bonheur. Ce bonheur, au sommet duquel, un instant encore, je puis être immobile. Mais quoi? Pourquoi me lâcher ainsi brusquement? Il ne fallait pas me prendre contre toi si c'était pour me lâcher ainsi. Des cavaliers s'arrêtent à la porte du jardin. Voici enfin cet instant. Redouté depuis toujours. C'est lui. Instant tellement pareil à celui que j'ai attendu. Retire-toi. Je vais tout lui dire comme tu me l'as conseillé. Oui, tu avais raison. Il y a là un signe. La destinée est venue au-devant de nous. Peut-être que pendant des années, il me va falloir vivre sur cette minute que je viens de vivre. Je le savais, mais pas assez. Sire, le roi. Je suis son serviteur. C'est Doña Inès de Castro que sa majesté veut voir. Et elle veut la voir seule. C'est bien. Inès, que Dieu t'inspire. Je passe ma main sur ton visage. comme les aveugles, pour l'emporter deux fois.